of Iria, the folly of the knee has been lonely. Thank you. Thank you. Time for me, 'cause I'm working tomorrow. There's no summer break for me. I've been working, working, working, working, working. Thank you. dommage, mais quel plaisir. Et je travaille demain à mon compte. Tu sais que c'est your man. Your man, oh why? Oh why do left behind. You better keep moving fast. Way fast, too fast. On your quest, when you hit the bazaar. Too fast, on your quest, you're too fast. When you meet, would you be ready when you meet the bazaar? Oh, what the odds, what the odds, what hit the odds? You will be left behind if you ain't prepared to die. amis depuis le début. Pour créer, pour penser, pour rassembler, pour sauver, pour manger, pour rêver. Thank you. space. Comment ils se sont pas fait balancer. Ils sont pas fait. Érection, acidisation, érection. Corruption. Insurrection. tu le sais, tu le sens qu'on te ment. Tu l'as de consentement. Tu le sais qu'on te ment. Tu le sens. Consentement, tu le sens. Tu le donnes pourtant. C'est pas que toi, c'est qu'on te content, tu consens. Tu le sens. C'est pas que tu te tais, tu le donnes. D'aller. Tu le prends, tu le penses. C'est pas que tu sois condescendant. Descendant, descendant. Descendant, descendant. Tu consens, tu consommes, tu contents.